بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل بقية كلام الإمام ابن قدامة ثم ندخل في شرح العثيمين عليه رحمة الله عليهما رحمة الله. وقبل ذلك سبق مسائل سبقت مسائل كثيرة في قول الإمام أحمد، حيث قال لا كيف ولا معنى، وكذلك بلا حد ولا غاية. طيب، si la personne elle dit la même chose que l'imam Ahmed a dit, la kayf wa la ma'na, c'est-à-dire lorsqu'on parle des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal, si une personne elle vient et dit la kayf wa la ma'na, les noms et les attributs n'ont nom de comment et nom de sens. Wa bila haddin, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas de limite, voilà gaya, et de fin. Tamam. Adi, c'est des alphas, kif nusamiha, alphas, mada, al-had, wa mada, yani bila had, al-had, والغاية هذه ألفاظ أي مجملة، هذه ألفاظ مجملة، c'est des mots qui sont مجمل، c'est-à-dire qui comprennent un sens vrai et un sens faux. تمام. Donc lorsqu'on a ce genre de paroles devant nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a rien. Quelqu'un te dit Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas de limite. Yani laysa lahu had. Ça, c'est une parole mujmal. Il peut vouloir, par cette question-là ou par cette parole-là, un sens erroné. Quel sens erroné il pourrait chercher? Comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec nous physiquement dans toute sa création. Soit, yani, comme certaines sectes prétendent qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il peut être dans les arbres, il peut être dans avec nous dans la mosquée ou autre, à parole erronée et fausse. Donc cette personne-là, comment on lui répond? Qu'Allah il a une limite avec ses créatures, avec sa création. Naqul anna Allah subhanahu wa ta'ala ba'inun min khalqih. On dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a bel et bien une limite qui le sépare de sa création. Tamam wa fawqa al-arsh, fawqa kulli shay. Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus du trône, il s'est établi au-dessus du trône et il est élevé au-dessus de toutes choses. Tamam. Naam. Al-muhim, vous retenez que si quelqu'un vient avec une parole qui est ambigu, qui peut sous-entendre une fausse interprétation ainsi qu'une vraie, alors on ne peut pas lui dire non d'une manière absolue ni oui d'une manière absolue, mais on est obligé de lui détailler. Si tu voulais dire par la limite tel et tel sens, alors ceci est juste. Si tu voulais dire par la limite que tel et tel sens, alors ceci est faux. Ça va? On lui détaille la réponse. Mais, en général, il ne convient à personne de parler avec ce genre de paroles. Là, l'imam Ahmed, s'il l'a fait, c'est pour réfuter les gens de l'innovation. Ça va? لكن الأقوال الألفاظ المجملة ينبغي تركها. Les prononciations qui ont un sens ambigu, et un sens ambigu comprenant une vérité ou une fausseté, ça, la personne, elle doit s'en éloigner. Elle doit parler qu'avec des paroles qui sont claires, pures. Non. Mais les a'imma, comme l'imam Ahmed, ils ont utilisé ce genre de paroles pour réfuter, justement, Ahl al-Bida. طيب قال ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك قرأنا هذا قرأنا ما قرأنا طيب ونقول كما قال ونصف بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك دو On dit ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire on dit au sujet des noms et des attributs d'Allah azza wa jalla, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même dit. Aina? Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit où? Dans le Coran. Dans le Coran ou à la lisan nabiyya, alayhi salatu wassalam. Tayyib. Wa nasifuhu bima wasafa bihi nafsahu. La nata'adda dhalik. Et on le qualifie par ce que lui-même il s'est qualifié. Et on ne dépasse pas cette limite. Wala yablughu wasfu al-wasifin. Et certes, ne le touche pas les attributs que lui accordent les gens. Naam. Nu'minu bil Qur'an kullihi muhkamihi wa mutashabih. Et on croit au Qur'an tout entier. Ces versets les versets qui sont clairs ainsi que les versets qui se ressemblent ou qui ont une forme d'ambiguïté. On croit au Coran kamilan. Wa la nazil anhu sifatan min sifatihi li shana'atin shuni'at. Wa la nata'adda al-Quran wal hadith. Et on n'enlève en aucun cas un attribut qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est attribué. Parce qu'on a trouvé, on a trouvé que cela était grossier. Là, si Allah subhanahu wa ta'ala s'est attribué un attribut, on se doit de le confirmer. Et ne pas, on ne le réfute pas avec notre tête. طيب. ولا نتعدى القرآن والحديث. Et on ne dépasse pas le Coran et le Hadith. On ne dépasse pas le Coran et le Hadith. ولا نعلم كيف كنا. كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول عليه الصلاة والسلام وتثبيت القرآن et on ne connaît pas son comment si ce n'est avec les informations en rendant véridique le prophète عليه الصلاة والسلام et ce qui a été confirmé dans, ou ce qui est venu du Coran. طيب قال الشيخ العثيمين donc الشيخ العثيمين Il a noté au sujet de ces paroles-là, avec les paroles qu'on a vues juste avant de l'imam Ahmed. قال ما تضمنه كلام الإمام الإمام أحمد في أحاديث النزول وشبهها تضمن كلام الإمام تضمن كلام الإمام أحمد رحمه الله الذي نقله عنه المؤلف ما يأتي. Donc le Là, Cheikh Al-Uthaymeen, il va expliquer ce que recèle et ce que contient comme utilité la parole de l'imam Ahmed, qu'on avait cité le cours dernier. قال أولا وجوب الإيمان والتصديق بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث الصفات من غير زيادة ولا نقص ولا حد ولا غاية. طيب ولو عدل عن هذا الكلام لكان أحسن لو ترك هذا الكلام لكان أحسن طيب donc l'imam Cheikh Al-Uthaymeen dit on prend tout d'abord qu'il est obligatoire de croire d'avoir la croyance d'avoir la foi et de croire en ce qui est venu du prophète alayhi salatu wassalam au sujet des ahadiths qui concernent les sifat sans rajouter et sans diminuer ولا حد ولا غاية sans limite et sans fin Et si Cheikh Al-Uthaymeen il aurait laissé cette dernière parole-là, la haddin wa la ghaya, parce que ça peut sous-entendre qu'il parle des sifats d'Allah Azzawajal comme l'a évoqué l'imam Ahmed. Et nous, on vous a expliqué là que ces paroles-là, qui sont mujmala, l'insan il doit s'éloigner de les évoquer. Illa, sauf si le besoin est. C'est-à-dire quand tu réfutes à des gens de l'innovation. Ou si toutefois ces paroles, ces mots-là, ils se sont propagés dans la communauté et tu veux leur parler d'une chose qu'ils comprennent. Non. Fala ba'asa. Wa illa fala. طيب قال ثانيا إنه لا كيف ولا معنى أي لا نكيف هذه الصفات لأن تكييفها ممتنع لما سبق وليس مراده أن لا كيفية لصفاته لأن صفاته ثابتة حقا وكل شيء ثابت فلا بد له من كيفية لكن كيفية صفات الله غير معلومة لنا. Donc là, il explique lorsque l'imam Ahmed dit que ces sifats ou les attributs d'Allah n'ont pas de sens. Il ne veut pas dire qu'il dit qu'ils n'ont pas de sens ou ils n'ont pas de comment, que ceci est à prendre de manière absolue. Comme on vous a dit, l'imam Ahmed, là, dans cette parole-là, il répond aux innovateurs, ceux qui prétendent que le sens des sifat, ils le connaissent et ils le définissent d'un sens qui est faux. C'est-à-dire quand l'imam Ahmed dit qu'il n'a pas de sens, wala ma'na wala kayf, ça c'est pour dire il n'y a pas de sens, que il n'a pas les sens que vous affirmez vous les innovateurs. طيب قال وقوله ولا معنى أي لا نثبت لها معنى يخالف ظاهرها كما فعله أهل التأويل وليس مراده نفي المعنى الصحيح الموافق لظاهرها الذي فسرها به السلف فإن هذا ثابت ويدل على هذا قوله ولا نرد شيئا منها ونصفه بما وصف به نفسه ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت ولا نعلم كيف كنه ذلك فإن نفيه لرد شيء منها ونفيه لعلم كيفيتها دليل على أن إثبات دليل على إثبات المعنى المراد منها المهم يعني جل ما تذكرنا في الدرس الماضي يكفينا عن هذا الكلام كله ce qu'on avait évoqué la semaine dernière ou le cours précédent ça suffit pour comprendre les paroles que Cheikh Al-Uthaymeen il évoque là yani comme quoi lorsque l'imam Ahmed il a réfuté le comment des sifats, ça ne veut pas dire que les sifats ils n'ont pas un comment. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas de comment. Non. Lakin, il veut te dire que le comment, nous, on ne le connaît pas. Et ceux qui prétendent connaître le comment, awalan, yakhdibuna 'ala Allah, ils mentent sur Allah azza wa jalla. Et deuxièmement, leur comment n'est pas affirmer n'est pas à affirmer à Allah Azza wa Jalla. C'est-à-dire quand ils réfutent le comment, c'est le comment avec lequel ils sont venus à Oulal al-Mubtadi'a. Et pareil pour ce qui est de sa parole lorsqu'il dit wala ma'na. Ils n'ont pas de sens. طيب قال ثانيا أو ثالثا وجوب الإيمان بالقرآن كله محكمه وهو ما اتضح معناه ومتشابه وهو ما أشكل معناه فنرد المتشابه إلى المحكم ليتضح معناه فإن لم يتضح وجب الإيمان به لفظا وتفويض معناه إلى الله تعالى. وهذا كذلك من شيخ العثيمين فيه شيء، يعني الأحسن كله أن يذكر ما قد مضى، لأن الشيخ العثيمين يقول الآن سي يعني on a des textes qui sont محكم qui sont clairs et on a des textes qui sont ambigus. On doit renvoyer les textes ambigus vers les textes qui sont clairs. Et après, ça deviendra clair pour nous. Tamam? Mais si toutefois, ça ne devient pas clair, Cheikh Al-Uthaymeen dit, wajab al-iman bihi lafzan. On se doit de croire à ce sifa, ou à cet attribut, ou à ce nom. Yani, croire que le mot, croire yani, en la prononciation du mot. Wa tafwid ma'nah ila Allah. Et on réfute et on renvoie le sens de ce mot à Allah Azza wa Jalla. Tamam. فهذا الكلام من شيخ العثيمين يعني ما هو بذاك. C'est pas un كلام يعني sur lequel la personne elle peut s'appuyer. Comme on a vu, le mieux c'est de dire كما ذكر شيخ ماذا صالح علي شيخ. Le mieux c'est de dire يعني وجب الإيمان به لفظا ومعنى لفظا ومعنى على مراد الله ومراد رسول الله. Et on dit qu'on yani c'est obligatoire de croire au mot ainsi que au sens qui dégage. Si on le connaît, alhamdulillah, si on le connaît pas, on dit le sens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu et le sens que son prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu. Tamam. Donc ça c'était le charh ou les annotations de Cheikh Al-Uthaymeen au sujet de la parole de Ibn Qudama. ثم قال قال الإمام أبو عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي. محمد ابن إدريس الشافعي الإمام الكبير صاحب المذهب قال بعد ذلك رضي الله عنه. هل يقال رضي الله عنه عن الإمام الشافعي رضي الله عنه؟ شوف رضي الله عنه هي كلمة اختص بها الصحابة لأنهم هم الذين رضي الله عنهم حقا ولا مرية، عرفت؟ وإن كنا نجل يعني علماء السلف كالإمام الشافعي والإمام أحمد وقبلهما الإمام مالك وأبو حنيفة وغيرهم، لكن الأحوط والأحسن أن يقال رحمهم الله رحمهم الله. أما رضي الله عنهم هذا كما سمعتموه. نعم. طيب والإمام الشافعي ذكرنا كنيته هو أبو عبد الله. والإمام مالك كنيته ها؟ الله أعلم الله أعلم ها؟ أبو عبد الله. نعم. والإمام أحمد أبو عبد الله. والإمام أبو حنيفة أبو محمد ها؟ لا أبو عبد الله سيبا أبو عبد الله. الجواب عندك يا محمد. La réponse elle est pour toi. T'as jusqu'à la fin du درس. طيب. تذكرني. Tu m'as fait rappeler. Cheikh Yahya مرة. سا سأل الإخوة وحمزة كان يحب أن يجيب على الأسئلة، فرفع يده قال عندي سؤال عن دمان، فحمزة رفع يده، وتعرف في الدماج يعني نحن 5000 مجلس كبير مرة، فلما تقوم يعني أمام الملأ ولا سيما إذا في مشايخ وأناس يعني يأتيك شيء من الخوف وكذا. حمزة لما قام الشيخ قال له كنية أبو هريرة ما هو؟ كنية أبي هريرة ما هو؟ وحمزة فكر مثل ما فكرت أنت، ثم الشيخ ضحك، الشيخ ضحك ليش؟ Pourquoi j'ai rigolé? Il a rigolé? Parce qu'il a hésité. Parce que la réponse, elle était devant lui. Mais c'est laquelle? Hein? Ouais, mais ça ne confirme pas ma réponse. Ça ne confirme pas ta réponse. Oui. Ça aide, ça aide. Ah, Abu Hanifa. أبو حنيفة وكنيته واسمه اسمه يا نعمان، نعمان ابن ماذا؟ يراجع نسيت اسمه، المهم كنيته أبو حنيفة، عرفت؟ نعم. طيب قال أو قلنا دونك سكنيا الإمام الشافعي سأبو عبد الله. Les quatre grands imams, ils sont tous de la même kunya, sauf Abu Hanif. Non. Mohammed ibn Idris, ibn al-Abbas, ibn Uthman, ibn al-Shafi'. Wa yasilu nasabah, ou nasabuh, ila al-Muttalib, ila al-Muttalib, ibn Abd al-Manaf. من هذا المطلب ابن عبد المناف؟ كل هذا يعني ça vous montre que l'imam al-Shafi'i sa lignée elle remonte jusqu'à la lignée du prophète عليه الصلاة والسلام. تمام؟ نعم. Il est son arbre généalogique rejoint l'arbre du prophète alayhi salatu wa salam. Fanaqulu anhu annahu min al-Imam al-Shafi'i min ahl al-ayh ahl al-bayt. Al-Imam al-Shafi'i il fait partie de ce qu'on appelle ahl al-bayt, c'est-à-dire les descendants de la famille du prophète alayhi salatu wassalam. Non. Fayuqalu lahu alim alim al-Qurashi ou alim Quraysh. Donc on dit de lui que c'est le savant de Quraysh parce qu'il est Qurashi. Non. Wa ayn wulid, dans quelle ville il est né, l'imam al-Shafi'i? C'est une ville qu'on entend souvent. Ismaïl? Hein? Non, il est né à Gaza. Gaza. L'imam al-Shafi'i, il est né à Gaza, en Palestine. Non. فهو فلسطيني، نعم، من بلد الشام. في سنة 150، donc lui il est né en l'an 150 après l'Égypte. Quand on dit l'Égypte, أخانا إسماعيل، ما معنى؟ après la هجرة. Après la هجرة de qui؟ prophète, alayhi salatu wassalam. 150 ans après la hijra, c'est-à-dire le moment où il est arrivé à Médine, pas le moment où il est parti de Mecca. À partir du moment, le jour où il est arrivé à Médine, Sarah, Omar ibn Khattab, lorsqu'il est devenu calife, il a fait de ce jour le début de l'ère islamique, la nouvelle ère islamique, du calendrier islamique plutôt. Taïe. وكما تعرفون هذا إمام في السنة وإمام في الفقه وإمام في الأصول وإمام في العربية وإمام في الشعر وإمام في الأدب إمام في جميع الفنون. الإمام الشافعي c'est un imam dans la plupart des sciences de la religion. Et parmi les célèbres paroles qu'il ait pu dire pour, en guise de défense de la sunna, il y a cette parole où il dit حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد. Mon jugement concernant les gens أهل الكلام, c'est-à-dire les philosophes et tous ceux qui s'y apparencient, qu'ils soient frappés avec le jarid, avec des sortes de fouet. وَأَنْ يُحْمَلْ عَلَى الْإِبْلِ وَيُطَافُ بِهِمْ فِي الْعَشَائِرِ. Et on les frappe, non seulement on les frappe, mais ensuite on les fait monter sur des chameaux ou des ânes. Dans certaines versions, c'est, on parle de, d'ânes. Sur des ânes. Et on les fait tourner dans les contrées. وينادي عليهم هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة. Et pendant qu'on les fait tourner dans les villages, on crie sur eux, voici la récompense de ceux qui ont délaissé le kitab ou sunna. Ça c'est le jugement de qui? De l'imam Shafi'i في من ترك الكتاب والسنة. نعم. فهو إمام من أهل السنة ولا لا؟ إمام من أهل السنة محب ومدافع عنها. طيب قال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. نعم. Donc ça c'est le jugement de l'imam Shafi'i les philosophes. Tamam. Fa ma baluk bi hukmihi fi al mubtadi'a wal hizbiyyin wa ma ila dhalik. Falihada kana al-shaykh Yahya yaqul al-hizbiyya wal hizbiyyun yahtajun ila تحذير ها الى تحذير واذا تمكن منهم الى مثل هذا الحكم. نعم. وهذا الامام له عده كلمات نافعه, منها من لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. Celui qui protège pas sa personne, c'est-à-dire en appliquant la religion, sa science ne lui servira à rien. Sa science ne lui servira à rien. Ça, c'est une très belle parole de l'imam Shafi'i. كذلك قال العلم ما نفع وليس العلم ما حفظ. La science est celle qui profite à l'individu. Et ce n'est pas la science celle qui est mémorisée simplement. C'est-à-dire, il l'a dans sa tête, mais il ne l'œuvre pas avec. هذا لا ينفع. كلام جميل. قال طلب العلم أفضل من صلاة نافلة. يقول le fait de rechercher la science c'est meilleur que toute prière sur le gâteau. وكان الإمام أحمد على ذلك. الإمام أحمد بن حنبل طلب العلم لا يعدل شيئا لمن صلحت نيته. le fait de rechercher la science, l'air de le rejeter. C'est pourquoi, les gars, croient, Wallahi, Wallahi, anna l'ilm, a'azam ma namlik. C'est la meilleure des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Al-anbiya la yarithu dinaran wala dirhama. والعلماء ورثة الأنبياء. فهذا الإرث إرث نبوي ترى. إرث إلهي. نعم. وعليه ماذا؟ وعليه أن ماذا؟ أن الناس إذا أعرضوا عن العلم بسبب الدنيا باعوا باعوا كما قال سفيان ويحكم اطلبوا العلم انها او انه شرف في الدنيا وشرف في الاخره. فالعلم يعني اعز واشرف ما يوفق اليه العبد. La science religieuse c'est la meilleure des choses qu'Allah سبحانه وتعالى il accorde à la personne. كل يوم وأنت في خير كل يوم وأنت في نمو من العلم. وقال الله عز وجل لنبيه قل ربي زيدني علما. الله سبحانه وتعالى il a demandé au prophète صلى الله عليه وسلم de dire oh Seigneur rajoute-moi de la science. ما قال زيدني من الدنيا وزيدني من المال وزيدني من النساء وزيدني من الأولاد وزيدني من كذا. ما قال قال ربي زيدني قل ربي زيدني علما. وتذكرنا في درس الظهر كلام نافع من هذا الإمام الجبل الشيخ مقبل عليه رحمة الله قال اطلب العلم يا طالب العلم. الشيخ مقبل يعني من كثرة ممارسته للحياة tellement il était expérimenté dans la vie et qu'il a vu de la part d'Allah عز وجل énormément de miracles. Il disait à ses élèves, recherchez la science. Ta'tika al-kutub. Les livres vous viendront. Parce qu'à l'époque de Cheikh Moukbil, la plupart des toulabs, ils étaient très très pauvres. Jusqu'à ce qu'ils n'arrivaient pas à trouver des livres. Et que certains pensaient aller travailler pour pouvoir s'acheter des livres. Fakana yuwajjihum. Wayansahum bil julus fil masjid. ينصحهم بالجلوس في المسجد ويقول لهم اطلبوا العلم تأتيك الكتب اطلبوا العلم تأتيك الدنيا. وفعلا هذا وعد من الله عز وجل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا عمل بالعلم ترى. Le fait de rechercher la science et de patienter là-dessus. Et de ne pas tourner droite, gauche, shimal, yamin. Hatta même si c'est pour chercher de l'argent. Hatta même si c'est pour... Hada risque. Al-julus, julus, comme fil masjid. Allah subhanahu wa ta'ala yaktub lakum. Arzak, tara. Il vous écrit un risque qui va tomber. Naam. Mais yattaqilla yaj'al lahum akhraja. Celui qui craint Allah azza wa jalla, Allah il lui trouve une issue. Et il lui accorde sa subsistance par là où il ne... s'attend pas. Naam. Wa kana l'imam Shawkani yaqul ma 'alimna ma 'arafna taliban lil 'ilm mata min al jou'. On ne connaît pas un talib al-'ilm qui est mort de la faim. Ma annahum fi al masjid min al sabah ila al layl. Naam. Wa yatlubuna al 'ilm. Wallah subhanahu wa ta'ala yarzuq. Min hayth لا يحتسب المرء. ولكم الحديث أن أخوان أن أخوين أحدهما منشغل بشغله والآخر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء المشتغل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي من أخيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلك ترزق به لعلك ترزق به. ها ces deux frères là qu'ils étaient. Il y en a l'un qui travaillait et l'autre qui restait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour prendre de lui la science. Celui qui travaillait, un jour, il est venu se plaindre du prophète, il est venu se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam de son frère, de sa situation. Comme quoi, il ne cherche pas à travailler, il ne fait que d'assister aux assises du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a tout simplement répondu: wa huwa a'lamu billahi azza wa jal min ayy ahad. Et il connaît mieux, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il connaît mieux Allah azza wa jal que n'importe qui. Wallah subhanahu wa ta'ala huwa al-khaliq, al-raziq, al-muhyi, al-mumit, al-mudabbir. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le grand pourvoyeur de tout un chacun. C'est lui le créateur, c'est lui qui fait vivre, c'est lui qui fait mourir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit quoi? Il lui dit: la'allaka tarzuq bih. Il se peut que le risque qui te vient à toi là, c'est même pas par rapport à tes mains, ce que tu fais dans ton travail. C'est seulement parce que lui il fait talab al-ilm. C'est seulement parce que lui il fait talab al-ilm. Ça veut dire Allah il te fait descendre ton risque pour que lui il ait quelque chose à manger, il ait un toit où dormir pour continuer dans son talab al-ilm. ونعم يا إخوة وكم من الناس رأيناهم بأعيننا فقراء وفي نفس الوقت أعز بالعلم النافع فإياكم وإياكم بالعلم بالعلم النافع. نعم. فالإمام الشافعي يقول: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. طيب، ومن كلامه كذلك: العالم يسأل عما يعلم. Le savant, il est questionné sur des choses qu'il connaît. وعما لا يعلم. Et aussi sur des choses qu'il ne connaît pas. فيثبت ما يعلم. Quand il est questionné sur des choses qu'il connaît, alors là, ça va lui permettre de raffermir ses connaissances. ويتعلم ما لا يعلم. Et s'il est questionné sur des choses qu'il ne connaît pas, ben ça va lui donner le moyen, ou ça va le pousser à apprendre ce qu'il ne connaît pas. Ça va le pousser à apprendre ce qu'il ne connaît pas. وَالْجَاهِلْ يَغْضَبْ مِنَ التَّعَلَّمْ. Tandis que l'ignorant, il s'énerve lorsque il doit apprendre. وَيَأْنَفْ مِنَ التَّعْلِمْ. Et il désespère de pouvoir enseigner lui-même. Ça, c'est qui? Jahl. Ça fait partie des plus belles paroles de l'imam Shafi'i. وكذلك إذا وجدتم في كتابي خلاف السنة أو خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بها ودعوا ما قلت. هذا يفيدك النهي عن التقليد. النهي عن التقليد. وما أضلت هذه الأمة إلا بسبب التقليد والغلو في الصالحين. الغلو في الصالحين من يعني أول الأسباب في وقوع الأمة في الشرك. نعم. Donc là, l'imam al-Shafi'i, il te dit: si vous trouvez une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou si vous trouvez dans mon livre le contraire de la sunna, alors parlez en conformité à la sunna et laissez ce que j'ai dit. Et laissez ce que j'ai dit. D'accord? Donc là, le fait de se dire Shafi'i, ou Hanbali, ou Hanafi, ce n'est même pas des choses que ces grands imams voulaient pour leurs élèves. Parce que l'imam Shafi'i te dit ça. Ça veut dire en gros: dis que tu es sunni. وخلاص. دينك السني تتبع السنة. لا تتبع الإمام الشافعي ولا تتبع الإمام أحمد ولا تتبع الإمام أبو حنيف. فإنك غير مأمور باتباعهم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. Mais t'es obligé de suivre le prophète عليه الصلاة والسلام. نعم. Et combien de communautés se sont égarées à cause du suivi aveugle des savants ou de certains gens pieux? نعم. العبرة بالدليل. كان بعض السلف يقولون لا يعرف الحق بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالحق. On ne connaît pas la vérité par rapport aux hommes, mais on connaît les hommes par rapport à la vérité. فاعلموا وفقكم الله وتعلموا ما هو الحق. الحق هو قول الله وقول رسوله، هذا هو الحق المبين. نعم. طيب، وكذلك مما قال ليونس الصدفي بعد أن حصل خلافا بينهما، دونك لا سي de ses qarines. Qarine, c'est un des compagnons de l'imam Shafi'i. L'imam Shafi'i, il lui dit une parole qui est jamil et que chacun d'entre nous, en vérité, il se doit de méditer. Il s'est passé une divergence entre les deux. Et les deux, c'est des gens de science. Ou ta'alafoun, ta'alafoun, an al-masa'il al-fiqhiyya, khususan, kam ikhtalafat al-nas. Combien de divergences entre les gens. Taïf. Fahasala bainahuma khilaf. Il y a eu un khilaf entre ces deux personnes. L'imam Shafi'i et son ami Yunus al-Sutfi. Fakala l'imam Shafi'i. Ya Aba Moussa. Ya Aba Moussa. Ala nastaqim. An nakuna ikhwanan. وإن اختلفنا في مسألة، وانظروا العربية والفصحى والبلاغة والآداب في كلام الإمام الشافعي، يقول يا أبا موسى ألا نستقيم أن نكون إخوانا وإن اختلفنا في مسألة. Donc ils sont pas disputés mais ils ont eu une divergence. Et lorsqu'ils ont voulu se séparer, l'imam الشافعي il lui a dit oh Abu Moussa, n'est-il pas plus droit pour nous qu'on en reste des frères, même si on diverge sur un point. Non. وهذا والله يعني نراه في عند الإخوة كثيرا يختلفون في مسألة. قد اختلف الإمام أحمد مع الإمام البخاري ربما، وإذا بهما غضب وسب ربما شتم وأخذ ورد. ليس كذلك. المسائل التي يصلح فيها الاجتهاد لا ينبغي أن يعني يجعلها أو يجعل سببا في إيثار الفتنة بين الإخوة وإيثار البغضة والبغض. لا، نختلف في مسائل، لك رأي ولي رأي، والحساب عند الله، والحساب عند الله. فالذي اجتهد وبلغ منتهى اجتهاده إلى ما رأى فله أجر على اجتهاد، إن أصاب الحق فله أجر. تمام. على كل حال، الإمام الشافعي يعني سيرته حافلة، ما ينصح بقراءته. On conseille tout un chacun de lire les biographies des pieux prédécesseurs comme l'imam الشافعي ou autres. Et en vérité, la personne ne peut pas s'affilier à eux si elle ne les connaît pas. تقول أنت سلفي، تقول أنت سني، ولا تعرف من هو محمد عليه الصلاة والسلام، ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام، ولا تعرف أبي بكر أو أبا بكر، ولا تعرف عمر ولا عثمان ولا علي ولا بقية الصحابة. نعم. فلا بد أن الطالب يجعل شيء من وقته يتفرغ ويقرأ في سيرة هؤلاء الأبرار. طيب نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس.